بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc ceci en fait est le premier épisode, si on peut appeler ça un épisode, de la série autour de la traduction. Dans cette série, ce que je compte faire, c'est de revenir sur des détails et des points de traduction, de linguistique, de vocabulaire peut-être, auxquels m'auront fait penser mes traductions des audios de Chouyour comme Cheikh Al-Bouti rahimahullah. Le problème, c'est que si je voulais faire des apartés dans les audios même, à chaque fois qu'il y avait un point intéressant à noter, qu'il y avait une subtilité à relever entre deux traductions, entre deux mots, je pourrais pas le faire parce que ça surchargerait les audios déjà qui sont assez bien chargés. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je pense à un point comme ça, que mes traductions me font penser à un point comme ça, ben je lui consacre 5 petites minutes, d'éviter des audios courtes, et voilà, et je reviens sur ces points-là. Par exemple, le point d'aujourd'hui, ça sera l'explication... Une explication de Bayna Yedei. Que veut dire Bayna Yedei, qui littéralement serait entre les mains d'eux? Et je le tire de l'expression Al-Wukuf Bayna Yedei Allah, se tenir debout entre les mains d'Allah. Cheikh Al-Bouti Rahimahullah, et c'est bien sûr pas le seul, c'est une expression qui revient souvent, l'utilise dans le deuxième et le troisième cours sur Al-Hikam Al-Ata'iyah, les sagesses d'Ibn Ata'illah, pour évoquer en fait la prière d'une personne, et notamment la prière de nuit d'une personne qui se trouve alors devant, qui se trouve entre les mains de son Seigneur, en priant. Entre les mains, en fait, en arabe, quand on l'utilise, on peut l'utiliser ailleurs, que les Arabes l'utilisent ailleurs, en tout cas que pour Allah. On peut dire « Bayna yaday al-malik », entre les mains du roi. Ce que ça veut dire, en fait, c'est devant. Ça voudrait dire paraître devant le roi, par exemple. Ou si le roi nous a convoqués, comparaître. Ça serait, en fait, se tenir devant. Et vraiment, c'est le mot « devant » qui est important dans cette histoire. Le problème, c'est que ce qui, en français, est « devant », donne en arabe quelque chose de différent. Parce qu'en arabe, il y a deux mots qui pourraient vouloir dire « devant ». Il y a cette expression « bayna yaday », entre les mains d'eux, mais il y a aussi un autre mot qui est tout fait, qui est déjà tout trouvé pour « devant », qui est « amama ». Le problème avec « amama », qui veut dire « devant », du coup, c'est qu'il sous-tend que la personne donne son dos aux autres personnes. Si je dis, par exemple, « al-imamu amama al-musallin », l'imam, le dirigeant, le guide, est devant les prieurs. Il leur donne son dos et ses prieurs le suivent. Il y a une notion de mimétisme dans ça. Et vous remarquez d'ailleurs que quand je dis « al-imam » ou « amam », ça ressemble beaucoup ces deux mots-là, ça se ressemble beaucoup. « Al-imam », c'est celui « ya'um », c'est celui qui dirige. Et le fait d'être devant « amam », c'est un peu endosser ce rôle de dirigeant, de pointe. C'est comme si je disais, par exemple, « al-qa'idu amam ajayshi ». Le chef militaire est devant son armée s'il est courageux. Donc voilà, on voudrait pas dire en se trompant que l'abd, l'esclave, est amama Allah, c'est-à-dire qu'il serait devant Allah dans le sens où il le précéderait ou il lui donnerait son dos. C'est pas ça du tout. Donc l'intérêt de Bayna Yaday, c'est celui-là. Quand je dis Bayna Yaday al-Malik, c'est une belle image. C'est que le roi est là, le roi est posé sur son trône, et il a ses deux mains tendues, et moi, je suis dans l'espace qui est entre ses deux mains, en fait. C'est plutôt pour parler physiquement, je suis dans l'angle solide entre ses mains et son corps, quoi. L'idée aussi, c'est que après cette définition, un peu, il y a les connotations qui en découlent. Les connotations qui en découlent, c'est que, bien sûr, la personne devant qui je me tiens, elle est puissante. Je me trouve entre ses mains, on a l'impression qu'il prend l'espace. Et on a aussi une autre impression, c'est que cette personne-là, je suis un peu dépendant, mon sort dépend de ce que voudront faire ses mains de moi, en fait. De ce que cette personne voudra faire de moi. Je suis dépendant de sa volonté, en fait. Je suis dépendant de la volonté de cette personne. Voilà tout ce que ça peut renfermer, le Bayna Yaday, ce côté-là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est, en effet, quand on veut dire qu'on est debout devant Allah, c'est qu'on est Bayna Yaday Allah. Déjà, d'une, ça nous enlève le sens de lui faire dos. Et deuxièmement, ça montre un peu, ça donne une certaine hiérarchisation de cette relation. Dernier petit point que j'ai failli oublier, c'est que Bayna Yaday peut aussi prendre un sens, là on a parlé d'un sens spatial en fait, ça peut aussi prendre un sens temporel. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha najaytumur rasul, faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. La traduction, c'est « Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. » « Bayna yaday » ici veut dire quelque chose qui précéderait une autre chose. faites ceci avant cela. Donc c'est une notion, voilà, c'est une notion temporelle qui est abordée. C'est le avant, devant ou avant qui se confondent un peu. Mais c'est pas ça que j'ai abordé. Ça, je l'ai pas étudié autant que le plan de Bayn Yaday dans le sens spatial du terme. Il y a aussi un autre verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Et là, ce qui est magnifique, c'est que le ya'lamu ma bayna aydihim, il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qu'il y a derrière eux, pour être littéral. Mais ce qui est génial avec ce ma bayna aydihim ici, c'est qu'il sait ce que ça voudrait dire, c'est qu'il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux, mais aussi il sait ce qu'il y a avant eux et après eux. Et donc ce côté spatio-temporel, il pourrait être mêlé dans cette ayah. Wallahu a'lam. Avant de finir, je vais juste donner, pas vraiment la source exacte, mais la personne au moins qui m'a permis de faire cette distinction Bayn Yaday et Amama, c'est en fait le cheikh Salahuddin Abu Arafa, un cheikh palestinien qui est très à cheval, on va dire, sur l'exactitude dans les mots employés. Dernière petite chose, non, c'est à peu près tout. Oui, non, l'erreur de entre comment dire de confondre Amama et Bayn Yaday est très courante. Vous la verrez même de manière très courante et de manière même chez les littéraires entre guillemets. Maintenant, l'arabe classique, vous verrez cette erreur. Le Amama, il a plus forcément le sens, c'est-à-dire que les gens ne lui donnent plus forcément le sens de quelque chose qui est devant mais qui fait dos aux autres. Mais cette confusion ne devrait pas se faire, en fait, en tout cas. Voilà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.